On peut commencer. Le cantique numéro 223 là. Vous êtes un peu reposé, n'est-ce pas? Cantique numéro 223. Non. Ils vont commencer à chanter, ils vont commencer à chanter, ils vont prendre. Ceux qui sont loin vont comprendre qu'on a déjà commencé. Allons-y. Oui, chant de victoire numéro 223. Ah, Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'a n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, j'ai pu aller sans trembler. Comptez sur lui, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui toute l'âme, qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux voir qu'on réclame jamais compter que sur lui. Comptez sur lui de la terre, tant que dure le combat, que l'on vit ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Comptons sur lui de rancœur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui de rancœur, tant que dure le combat, que l'on vive. Comptez sur lui de la guerre, tant que dure le combat,

Kadi, oro ikitina mi mere. Pour que nous soyons forts pour le Seigneur. Ngamha ingona kadi marbe sembe ajomirao. La Bible déclare que ne soyez pas surpris des différentes épreuves qui vous arrivent dans le monde. Et kadi tango comme une fournaise pour vous éprouver. Yo bone di kota tamon. Il dit ça à dessein. Obi kadi dum ça a un but. Mo mari kadi ha jaman don. C'est pour que notre foi soit purifiée des mauvaises choses. Ngamha nukin amel kadi laba tal kadi do hunde kadi tokdum fu. Donc, quelles que soient les choses par lesquelles vous passez, c'est normal en tant que chrétien. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de nier le Seigneur. Croyez. Alors, notre histoire a commencé dans Luc chapitre 1, verset 5. Élisabeth était stérile. Elisabeth kadi odantano. Elle était issue de Zacharie. Odonno kadi gorko Zacharie. Son mari était déjà vieux, avancé en âge. Gorko mako bo nayino timi. Il était issue de Zacharie. Kanko bo odonno daga. Le plus grave. E kadi manga halaman kam. C'est qu'ils obéissaient à Dieu. Odonno dotana Allah. Il n'avait point d'enfant. Ngala bingel. Maintenant regardez. Ndare hado. Le fait qu'ils n'avaient point d'enfant ne les a pas empêchés de garder la parole de Dieu. Le fait qu'ils attendaient un enfant et que ça ne venait pas, ils n'ont pas dit que okay, Dieu, tu n'es plus vrai. Tu étais seulement vrai au temps de Moïse. Il a continué à rendre son service. A servi Dieu droitement. Souvenez-vous qu'on ne peut pas tromper Dieu. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il faisait cela normalement. Et un jour, il a été appelé selon l'ordre de la classe de son choix. Le tirage au sort est tombé sur lui. Il est entré à l'heure de la prière pour offrir le parfum. Les gens se tenaient dehors. Et subitement, Gabriel s'est tenu là-bas à la droite du parfum. Malaika de Gowal derrière il s'appelle Christ dit ha urdiman woni. Oh, il est là-bas pour offrir le parfum pour la prière des gens de l'or. Orono darika d'appelle Christ dit ngam ha wad oh yara urdi ngam hi ber ko hayasi. Gabriel l'a rencontré. Et kadi malaika jo Gabriel kadi war tawi mato. Oui, aujourd'hui donc une promesse, ta promesse est accomplie. Obi hande kadi ha de Gowal do mara. Ils ont fait peut-être 30-50 ans dans cet état là. Ngadi te makadi wal tapantati mala tapanjo do ha. Mais le jour de Dieu était accompli. Et yande Dieu mira ko yotti. Quand viendrait ici après 30 temps, ils avaient baissé les bras. Et toi, Kadi, bah, faute de Kadi, dubi, chapan, tati, mando, malatobi, achino, ka, nono. Donc, ne baissez pas les bras. Ta, mbare, joke. Si Cornet avait fait du bien une fois, et toi, Cornet, Kadi, wad, nous, Kadi, mbode, nga, le gote, tan. Deux fois, et c'est un militaire. Il a vraiment tant. Un centenier italien. Olatin, Kadi, on arbitre, Kadi, donc, un païen même. Il avait l'autorité du monde comme le capitaine aujourd'hui. Il pouvait faire de sa vie ce qu'il a. Il a 100 hommes sous sa direction. Mais jusque-là, il craignait Dieu. Il faisait les aumônes. Et priait constamment le Dieu qu'on dit qu'il ne voit pas. Et un jour, dans son endroit où il priait, l'ange est venu. À cause de ce qu'il a fait, Dieu a dit que en toutes les nations, il connaît tous ceux qui l'invoquent de tout leur cœur. Supposons que Corneille avait dit que mais le peuple s'est même maudit. Pourquoi même on vient les dominer chez eux? C'est quel Dieu qui s'est même qu'on vient dominer? Et qu'il avait baissé les bras de prier. Il est entré dans l'histoire comme étant le premier païen converti. Et au ciel, on va le rencontrer avec sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Il n'a pas prié et relâché. Donc je vous exhorte à ne pas baisser les bras. Si vous lisez Jean chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, la Bible déclare qu'il y avait une piscine à Bethesda. Je vais vous expliquer. Si vous demandez le livre, on va perdre le temps. On dit là se couchaient des malades en grand nombre. Et il y avait un homme qui était alité. Jésus qui se promenait au milieu d'eux. Quand vous lisez normalement la Bible, les choses comme ça doivent vous frapper. On dit qu'il y a une piscine ici. Et le principe de cette piscine là, c'est que un ange descendait de temps en temps et secouait l'eau. Et donc, quand l'eau avait été secouée,